Vous écoutez? La croche-oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore diffusée sur les ondes de CKRL 89.1 et sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir de vous retrouver ce soir en compagnie du compositeur et de l'artiste sonore Kevin Gironnet, un créateur passionné par les sonorités acousmatiques et les musiques qui flirtent avec l'expérimentation. On raconte que son travail de composition se concentre, entre autres, sur la maîtrise d'éléments sonores à première vue chaotiques. Tout ça pour en faire surgir des musiques qu'il n'avait pas vu venir. D'où son amour pour l'improvisation, dit-il. Ingénieur du son et friand d'art radiophonique, sa relation avec le son comme médium artistique est animé de vives passions et d'éblouissements quotidiens. Il ose espérer que c'est réciproque pour les auditeurs. Kevin Gironnet a créé des environnements sonores pour des installations, des vidéos et pour la danse. Il se produit en public dans le contexte de musique improvisée, en solo et en collaboration. Kevin est d'ailleurs l'initiateur, fondateur de l'ensemble ILEA, un groupe d'improvisation mixte qui regroupe de nombreux musiciens, musiciennes, compositeurs, compositrices, artistes sonores. Détenteur d'une maîtrise en composition réalisée sous la direction de Nicolas Bernier, créateur sonore également. Ses créations ont été jouées au Canada, en Chine, aux États-Unis et un peu partout en Europe. J'ai eu vraiment le grand plaisir de m'entretenir avec Kevin il y a quelques semaines dans les studios de sa compagnie de production à Montréal. Alors voilà, on écoute ça sans tarder. Parole à Kevin Gironnet. Kevin Gironnet, bienvenue à l'émission. Très heureux de te retrouver dans tes studios ce matin. C'était très agréable. Oui, c'est ça. C'est bizarre de dire merci à bienvenue alors que... Tout à fait. C'est toi qui es le bienvenu, mais... Exactement. Kevin, je commence ça, cette rencontre avec une question toute simple. Une question que j'ai posée d'ailleurs à Pierre-Luc Lecourt, un de tes complices dans le groupe ILEA. Comment on devient musicien? C'est généralement les questions les plus simples qui sont les plus compliquées à répondre. C'est marrant parce que je ne sais plus à qui j'entendais ça, qui parlait de qu'il y avait toujours cette anecdote. Tous les musiciens de musique contemporaine, expérimentale, ont toujours raconté ce moment où quand ils étaient enfants, ils sont allés prendre l'enregistreuse de leurs parents, puis qu'ils ont commencé à jouer avec des boutons. Bon, c'était pas ça pendant tout. Non, j'ai toujours écouté de la musique, de ce que je me souviens, mais jamais, pas au début, pas beaucoup de musique contemporaine, pas de musique expérimentale, même pas de musique classique, j'étais vraiment en dehors de tout ça. Puis, j'ai fait des études d'ingénieur du son, où on nous demandait de nous ouvrir les oreilles, c'était obligatoire, il faut s'ouvrir les oreilles, il faut faire attention à ce qu'on écoute. Et j'avais un professeur, Bruno Giganti, qui invitait les gens, déjà qui nous parlait de musique acousmatique et qui invitait les gens à aller voir les concerts du GRM à Radio France. Puis on parle d'un temps où j'avais un accent que français, non pas hybride comme maintenant. Donc c'était, j'étais étudiant à Paris et j'y suis allé une fois au concert du GRM. Ça a failli être ma dernière. J'ai rien compris. Je pense que c'est ça que je retiens, c'est que je n'ai rien compris. Puis à l'époque, comme maintenant, je lisais beaucoup, beaucoup de musique. Je lisais beaucoup de poésie contemporaine. Et j'avais toujours ce discours de jeune. J'étais sorti de l'adolescence, puis j'étais très très marqué par Rimbaud, donc j'avais un petit peu ce côté un peu embêtant de dire ah ouais, mais là les nouvelles, les romans là, c'est tannant. La vraie chose, c'est la poésie, c'est les choses qu'on t'envoie dans la face. Tu comprends pas, tu sais pas, mais ça te parle, etc. Puis ça m'a pris plusieurs concerts du GRM pour un jour me dire hey, c'est ça qu'il faut que je fasse, il faut que j'écoute cette musique comme je lis de la poésie. Et c'était un déclic. Mmh. Tout de suite, je me suis dit, ah, donc il n'y a pas à comprendre, je n'ai pas à comprendre. D'accord. Puis là, ça a ouvert beaucoup, beaucoup de portes. J'avais beaucoup de bandes de musique à l'époque, puis ça, mon intérêt et mes engagements ont fait un petit déclin pendant quelques mois. Mm-hmm. Kevin, si tu veux, on va se mettre dans l'ambiance de ton travail d'expérimentation sonore, de création. On va écouter un premier titre. Ça s'intitule « Il paraît que l'on n'a tué personne ». C'est une pièce là, qui est d'ailleurs accompagnée d'une réflexion à partir de quand des perturbations ne sont plus perçues comme étant à contre-courant, mais comme processus. On va peut-être revenir là-dessus plus tard, mais on va d'abord écouter ce premier titre. Thank you. Et Kevin, tu n'as jamais abandonné la culture musicale en tant que telle, parce que bon, tu travailles tout de même beaucoup avec des instrumentistes de formation classique, tout ça. Mais ma question ressemble un peu à la précédente, mais on va poursuivre dans ce sens-là. Mais à quel moment il y a ce déclic pour l'expérimentation en tant que telle? La recherche fondamentale à quelque part en art sonore autour du son, comment ça se produit? Il y a une première expérience probablement suite à cette rencontre que tu fais là, au croisement de la poésie et de la musique contemporaine, je vais dire ça comme ça. Mais sûrement, en fait, il y a clairement une démarche expérimentale qui est peut-être le bonheur de la découverte, la curiosité. Je pense être quelqu'un d'une nature curieuse. Ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais c'est juste que... Et parfois, j'aimerais l'être un peu moins parce que je me retrouve intensément dans des recherches qui n'ont aucun rapport dans ma vie. Mais je pense qu'il y a ça. Il y a une démarche expérimentale qui fait qu'on a une curiosité. On arrive à voir justement une petite chose, puis on a envie de creuser. Puis je pense qu'il y a ça qui fait une différence. Puis c'est même pas qu'on a envie de creuser, c'est qu'on est obligé de creuser. Puis si je creuse pas ça, je veux pas dormir. Donc autant creuser le plus loin qu'on peut. Puis tu disais que je suis resté dans la culture musicale, mais en fait, en travaillant avec des musiciens de plus de musique classique, en tout cas qui ont été dans les écoles, le conservatoire. Mais c'est pas que je suis resté, c'est que j'ai découvert ça. Moi, j'ai pas fait le conservatoire. J'ai pas appris à lire la musique. J'ai appris à l'écrire. J'ai appris. Oui, je peux lire la musique. Oui, je peux l'écrire. Mais je suis pas allé au conservatoire quand j'étais jeune. J'ai pas appris tout ça. J'étais un guitariste à l'adolescence et ça m'est venu plus tard. Et puis, comme je disais tantôt, je suis vraiment mes premières amours étaient la musique acousmatique, électroacoustique. Et c'est pas qu'on m'a obligé, mais on m'a dit ah, tu pourrais quand même faire ça. Puis j'ai appris sur le tas. Et ça a été une grande révélation, pas seulement pour le côté d'écriture abstraite, donc qui est différent de l'écriture concrète en musique électroacoustique, mais où j'ai été, c'est ce qui m'a rendu vraiment joyeux, c'était de enfin repartager de la musique avec quelqu'un, ce que j'avais quand j'étais dans des bands. Et je pense que c'est pour ça, principalement, que je suis resté là-dedans, que de plus en plus, les choses vont dans cet état, que je me sens moins le compositeur à la table ou à l'ordinateur qui fait les choses tout seul et puis qui envoie ça à des gens, puis... J'aime de plus en plus le contact humain. Et c'est par la suite ou dans cette foulée-là que tu vas faire des études par la suite en composition électroacoustique avec Nicolas Bernier, entre autres. Oui, c'est ça. Je suis arrivé au Québec pour faire une maîtrise en composition sous la supervision de Nicolas Bernier. Après trois conservatoires quand même, je passais par trois conservatoires en France pour que ce soit électroacoustique ou mixte acousmatique. Kevin, on écoute un autre titre, celui-là intitulé Andrea, c'est tiré de l'album Étude d'improvisation brute et brutale. On va être dans le courant de ta démarche de formation et puis de premières expérimentations. Alors, on écoute ça. Kevin, quand on parcourt les albums que tu as réalisés depuis, en tout cas 2017, un peu avant, un peu après, là, je constate de nombreuses références au monde de l'art. Bon, il y a une photo d'Arthur Rimbaud à Aden, des fragments d'œuvres de Laszlo Molinage. Il y a un livre de Raymond Queneau auquel tu fais référence, Une voix dans l'atelier d'un peintre russe. Bon, et j'aimerais que tu me parles de tes sources d'inspiration dans le champ de l'art, dans le champ des arts sonores. Comment, qu'est-ce qui t'habite sur ce plan, sur ce plan-là? Wow, c'est une énorme question. C'est quasiment plus brutal de répondre à ça que de dire quelles sont mes influences musicales. Oui, non, ben je sais pas. Il paraît qu'on a tué personne, qu'on a entendu tout à l'heure. C'est, cette phrase-là vient d'une lettre de Rimbaud qu'il avait écrite à un ami. Et je me souviens plus de la lettre à qui il a écrit, parce que je suis un énorme fan de Rimbaud, là, mais je devrais le savoir. Mais il a écrit ça, puis on sentait dans la phrase la déception de qui vraiment synthétise bien Rimbaud, la déception qu'il n'y a pas eu de drame. Il paraît qu'on a tué personne. On sentait que si seulement il y aurait eu quelques personnes de blessées ou quoi que ce soit. Ce qui veut en dire long sur le personnage. Et puis c'est ce genre de choses là qui comme je disais tantôt, il y a quelque chose qui dépasse, puis on a envie de creuser. Et parfois c'est vraiment des histoires de graines qui viennent à l'intérieur de toi, puis on se rend pas compte, on se dirait il y a plus ça qui va grandir, mais non, c'est quelque chose d'autre, ça grandit. On n'a pas vraiment le contrôle là-dessus, on a juste le contrôle sur qu'est-ce qu'on va faire de ça qui est en train de grandir en nous. J'ai énormément de chance d'avoir une pratique qui fait que ce genre de choses, je peux l'utiliser dans ma pratique et j'ai pas besoin de le supprimer. J'habite dans un pays où j'ai le droit de m'exprimer. Je fais un métier dans lequel je peux m'exprimer aussi. Puis j'ai énormément de privilèges qui fait que je peux utiliser ces choses qui grandissent. Mais il y a vraiment pas d'autre réponse à ça que oui, je peux être complètement embarqué par un poème, complètement embarqué par une toile, complètement embarqué même par des choses qui ne sont pas considérées comme l'art, qui sont juste possiblement juste des choses qui se passent dans la rue. Puis, ouais. On sent en tout cas cette filiation de ton travail de recherche, de réflexion sonore, cette filiation avec le monde de la poésie. Et puis, on va enchaîner tout ça avec un extrait, parce que la pièce est tout de même un peu longue, mais un extrait de cette création intitulée « Seuil d'Aniem ». Peut-être la prononciation n'est pas parfaite, mais elle est inspirée par la musique. C'est une œuvre inspirée par la musicalité d'un extrait de voix enregistré pendant une présentation de tableau dans l'atelier d'un peintre russe. Je trouvais ce descriptif-là extrêmement évocateur. Alors, on va écouter ça avec les auditeurs, les auditrices. Он радует.

Vous écoutez ? La croche-oreille. Vous êtes à l'écoute de La Croche-Oreille, une aventure sonore à l'antenne de CKRL, le 89.1. Gaëtan Gosselin, microphone. Je m'entretiens ce soir avec le compositeur et créateur sonore Kevin Gironnet, ingénieur du son, compositeur de musique acousmatique et créateur sonore. Ses travaux de recherche portent notamment sur les sonorités génératives et combinatoires, ce qui signifie que même si la structure principale de la pièce a été définie, la trame sonore finale change à chaque occasion. Kevin Gironnet a créé des œuvres sur commande et diffusé son travail au Québec et à l'étranger. On découvre avec lui ce soir des univers sonores inspirés fort souvent par la poésie. Alors restez des nôtres, je poursuis à l'instant cet entretien avec Kevin Gironnet. Kevin, c'est un, je dirais un classique de mes entretiens avec les créateurs. On parle d'inspiration et puis vient le moment où on parle du processus. C'est, ouais. comme un enchaînement ou encore de la mise en œuvre. Alors, comment ça se passe de ton côté? Comment ça émerge un projet? Comment ça se termine généralement? au fond, là, qu'est-ce qui fait que, ah, là, je l'ai? Et je pense entre autres à ce projet récent qui s'intitule « Déambulation ». Il est inspiré, celui-là, d'un ouvrage de Raymond Queneau. Alors, ça m'a intéressé. Et il y a aussi ce travail, tout à l'heure, on parlait du projet intitulé, ce projet intitulé « Sos d'Aniem ». Là aussi, il y a des conditions d'apparition de ce projet. Donc, ou bien l'un ou bien l'autre, tu pourrais peut-être nous entretenir de cette démarche de création qui fait qu'on aboutit à quelque chose et à un moment donné, on met le point final sur cet objet-là qu'on appelle œuvre. OK. Ben, c'est sûr que mettre un point final, c'est toujours un peu compliqué. Généralement, ça vient quand il y a une date limite et qu'il faut le faire. Cependant, je suis pas dans la catégorie boulaise où aucune œuvre n'est finie, puis faut que je la retravaille à tous les 10 ans, etc. Mais c'est dur à savoir quand est-ce que ça se finit. Puis ça dépend aussi des projets. Par exemple, ce dernier était vraiment une pièce. C'était pour le concert de fin d'année d'un conservatoire. Je pense que c'était le conservatoire de Pantin. Puis c'était vraiment en réaction à la pièce Tabou de Michel Bukhanovsky. Tandis que Déambulation, le point final est un peu plus compliqué parce que Déambulation, j'ai comme fait un système, j'ai créé un système qui ensuite est utilisé sur d'autres pièces derrière, puis qui continue à être en ce moment, cette manière-là de composer qui m'habite. Fait que c'est toujours compliqué parce que il n'y a pas eu vraiment point final parce qu'il y a eu beaucoup de traînées derrière. Peut-être qu'un jour, je vais passer à autre chose, très certainement, et j'espère. Mais pour l'instant, c'est vraiment, je suis là-dedans, je suis encore dans des ambulations parce que je suis encore beaucoup dans ce processus-là. Dans la manière de composer de déambulation. Mmh. Écoute, on va en écouter tout de même un extrait de déambulation sur lequel on retrouve tout de même Carole Fugino au violon, Paul Widner au violoncelle, Grégory O au piano, et tout ça enregistré au Centre de musique canadienne à Toronto. Alors on écoute ce projet qui est relativement récent, 2021. On écoute ça. Thank you. Kevin, tu nous as présenté une réflexion sur tes premières expériences de musique contemporaine, d'expérimentation sonore. Et ta formation s'est aiguillée dans l'ingénierie sonore, je dirais ça comme ça. Qu'est-ce que tout ça t'apporte, que cette formation plus technique, je vais dire ça comme ça, en théorie, qu'est-ce que ça t'apporte sur le plan de la création en tant que telle? Est-ce qu'il y a une plus-value pour toi des éléments qui font que ça te permet de pousser certaines réflexions ou encore est-ce que c'est parfois une limite au travail du créateur que d'avoir une connaissance pointue de la chose sonore, je veux dire ça comme ça? Ben, ça a définitivement augmenté un côté de l'artisanat, donc le côté artisan du métier, disons. Vite, si on peut faire comme un parallèle, on apprend par exemple au conservatoire à écrire, pas faire de quintes parallèles, puis à écrire des canons et des machins, et des différents styles, etc. Et ensuite on s'exprime. Fait qu'on pourrait éventuellement dire qu'on apprend l'artisanat pour ensuite aller vers de l'artistique, et je mets des guillemets audio. Ingénierie du son, ça serait à peu près la même chose, mais avec l'électronique ou avec, en tout cas, tout ce qui est son, parce que ça marche aussi, ça m'a beaucoup aidé, et puis ça m'aide énormément sur les enregistrements, etc. Donc même de la musique acoustique, ça m'aide. Mais je vois ça comme une sorte d'aide au côté artisanal qui, veut pas, est une partie du travail d'artiste. Souvent, pas tout le temps. Ensuite, au niveau de carrière, je sais pas comment l'appeler ça, moi j'ai beaucoup travaillé avec des ensembles, que ce soit en France ou ici, en tant qu'ingénieur du son. Et souvent, à des moments, j'avais comme l'impression d'être mis dans une catégorie. Fait que j'ai arrêté ça maintenant, je fais plus du tout, pas pour cette raison-là, c'est parce que j'ai plus du tout de temps. Du tout pour faire ça, mais j'ai arrêté et puis ça va un peu mieux. Mais il y avait un côté un peu de double personnalité, ou en tout cas, je sais pas à qui les gens voulaient parler parfois, puis ça pose problème. Kevin, un moment vite passé, pour compléter notre rencontre ce matin, j'aimerais que tu nous parles de tes projets à venir, que ce soit des projets de création, de recherche, de diffusion. Qu'est-ce qui se profile pour toi là, dans les prochaines semaines, prochains mois? ILEA marche bien en ce moment. Ça fait quelques années maintenant que j'ai arrêté de courir comme à l'époque où j'étais étudiant à vouloir faire 40 projets à l'année. Fait que maintenant j'en fais un peu moins. Fait que quand il y en a un ou deux d'ILEA, ça prend beaucoup de temps parce qu'à chaque fois, faut que je gère énormément de travail, énormément de personnes en fait. Et on le dit jamais assez, mais les doodles, ça prend beaucoup de temps. Surtout quand on travaille avec des gens aussi bons. Fait qu'après, ils sont beaucoup demandé, etc. Fait que oui, il y a des projets. On va refaire en 2024, on va faire publiquement en 2024 un projet qu'on fait à la chapelle de la cité hospitalière. C'est un projet qu'on a monté avec l'ensemble Bacar Larry. Et on était en résidence de création en novembre, en fait, exactement il y a un an exactement. Et avec les délais de demande de subvention, on a enfin l'argent. Et maintenant qu'on a l'argent, il faut trouver le temps. c'est pour ça que ça va être en 2024. Donc il y a ça aussi beaucoup qui m'habite. Avec d'autres projets d'ILEA, c'est qu'on a fait pour La Nuit Blanche, on a refait une intégrale de la pièce Treatise de Cornelius Cardew. Et on essaye de trouver les fonds pour pouvoir faire un album de ça. Ça fait partie des projets ILEA. ILEA a beaucoup avancé dans le sens où beaucoup des membres du noyau dur me viennent maintenant. C'est ça qui est beau, c'est que ILEA était un projet à moi dans ma tête, puis c'est maintenant ça résonne avec d'autres personnes, puis ces personnes-là pensent à ILEA pour des projets, puis ça c'est vraiment le fun. Sinon, du côté personnel, je continue à faire des pièces. Donc comme j'ai commencé avec Déambulation, donc c'est des pièces génératives. Le lien avec Raymond Queneau, c'est la combinatoire. J'ai envie d'expérimenter ça. En fait, il y a beaucoup de choses qui, dès qu'on part la pièce, c'est jamais la même. Puis il y a des choses comme ça. C'est pas loin de l'improvisation, je pense, au niveau de là où ça titille dans mon cerveau. J'ai écrit deux autres pièces après ça avec ce système-là. Je continue à faire ça. Je suis beaucoup moins. En fait, j'ai jamais vraiment été dans la game de je sais pas moi, de PR, d'aller voir les gens, puis de travailler, puis on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis très à l'aise en ce moment avec le balancement qu'il y a avec le nombre de projets, et surtout avec la volonté de travailler avec des gens. J'ai la chance de pouvoir la plupart du temps choisir avec qui je travaille, Et ça, c'est vraiment super parce qu'on va aller chercher beaucoup, beaucoup de, dans l'humain, de la personne, dans la musicalité. C'est sûr, mais de toute façon, les deux sont toujours très liés. Avec des gens qui sont gentils, qui sont, en tout cas, qui pensent à d'autres personnes, qui ont la facilité d'empathie. Généralement, ça donne des bons improvisateurs et des bons musiciens. Fait que je suis en train de me construire, un endroit où je me sens bien, dans lequel je peux évoluer. Puis ce qui est bien, parce que le milieu de la musique n'est pas forcément le plus simple dans lequel évoluer, surtout si on n'est pas forcément à l'aise partout. On donne beaucoup de soi, on s'expose énormément et c'est pas toujours facile. Tout à fait. La suite de déambulations plurielles, c'est très prometteur. Kevin Gironet, grand merci de m'avoir accordé cette rencontre ce matin dans vos studios de Virage Sonore. Virage Sonore, ouais, c'est ça. Tout à fait. Merci encore. Merci à toi. Voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie du compositeur créateur sonore Kevin Gironet, dont vous retrouverez la plupart des œuvres sur les plateformes de musique en ligne, sur Actuel CD notamment. Grand merci à Kevin Gironet de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres. Cela dit, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site Lacroche-Oreille, ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant pour écoute à votre guise. Quand ça vous tente, alors vous trouverez ça facilement sur la toile. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore depuis les studios de CKRL dans Limoilou, au microphone, Gaëtan Gosselin qui vous salue.